La civilisation Maya. Прослушайте текст и назовите основные гипотезы исчезновения цивилизации майя. Que sait-on aujourd'hui de l'ancienne civilisation Maya? Tout d'abord, elle est beaucoup plus ancienne et a duré beaucoup plus longtemps qu'on ne l'avait pensé. En réalité, elle remonterait au 5e siècle avant Jésus-Christ et aurait duré au moins 10 ou 12 siècles. Les inscriptions que l'on peut voir sur les monuments, chroniques détaillées et très précisément datées des événements politiques, tels que guerres, querelles de dynasties, alliances et renversements d'alliances, paiements de tributs, permettent de comprendre le drame de l'histoire, pleine de bruit et de fureur de ce peuple, beaucoup moins pacifique et contemplatif qu'on le prétendait. Par qui a été détruit le monde Maya au 9e siècle ? Comment a pu s'effondrer un monde ayant atteint un tel degré d'organisation, techniques de culture sophistiquées, systèmes d'irrigation très développés, etc. On a avancé diverses hypothèses. Une agression étrangère, des affrontements répétés entre cités rivales, l'impossibilité pour le pouvoir central, installé dans la ville de Tikal, de contrôler l'ensemble de ses possessions et conquêtes. Ou peut-être une conjonction de ces trois facteurs. Une seule certitude, à la fin du 9e siècle, on ne trouve quasiment plus rien de cette civilisation et de ce peuple. On estime qu'il a perdu 90% de sa population.